السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous sommes إن شاء الله تعالى mercredi 7 ربيع الأول 1430 de l'Hégire, c'est-à-dire le 4 mars 2009 بإذن عز وجل. Nous sommes avec le dernier cours de la personnalité de la musulmane, Inch'Allah ta'ala. Avant cela, je suis en train d'attendre toujours hein, qu'on me confirme que vous m'entendez dans l'inspect. J'attends, Inch'Allah ta'ala, le numéro 1. Taïb. Vous écrivez le titre, Inch'Allah ta'ala, le titre d'aujourd'hui. Le titre. Cinquantièmement, elle est subtile et judicieuse dans sa prédication. Elle est subtile et judicieuse dans sa prédication. J'attends, Inch'Allah ta'ala, que vous écriviez. Elle est subtile et judicieuse dans sa prédication. Ahsante. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La musulmane, quand elle appelle les autres femmes à l'islam, elle agit avec sagesse, prudence, intelligence et habileté. Elle prend en considération le niveau intellectuel des autres et leur milieu social, afin de trouver les meilleurs moyens lui permettant de les convaincre. Allah Azza wa Jalla a dit: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Allah Ta'ala a dit: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au chemin de ton Seigneur. Coran 16:125. Dans cette perspective, elle doit se garder de tenir des discours prolixes ou compliqués, susceptibles d'ennuyer son auditoire. Ses propos doivent être clairs, simples et brefs. Elle doit aussi procéder par étapes en exposant ses idées dans un style attachant. Ainsi, son auditoire parviendra aisément à suivre et à assimiler son discours. Telle est la méthode adéquate dans ce domaine, car elle était adoptée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le Bukhari Muslim rapporte que l'éminent compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah azza wa jalla l'agrée, avait l'habitude de donner son enseignement aux gens tous les jeudis. Un jour, un homme lui dit: « Oh Abba Abdurrahman, je voudrais que tu nous adresses tes sermons tous les jours. » Ibn Mas'ud lui répondit: « Ce qui m'empêche, c'est que je ne veux pas vous ennuyer. Je choisis les moments où il est opportun de vous enseigner, comme le messager d'Allah alayhi wa sallam le faisait vis-à-vis de nous, craignant de nous ennuyer. » Dans son effort de prédication, la musulmane doit se montrer avenante envers son auditoire. Elle doit endurer tout ce qui est susceptible de l'agacer, la lourdeur d'esprit, l'ignorance, les erreurs répétitives, des questions ennuyeuses, etc. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La musulmane, quand elle appelle les autres femmes à l'islam, elle agit avec sagesse, prudence, intelligence et habileté. Intelligence et habileté. Elle prend en considération le niveau intellectuel des autres et leur milieu social. Pourquoi? Afin de trouver les meilleurs moyens lui permettant de les convaincre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au chemin de ton Seigneur. Dans cette perspective, elle doit se garder de tenir des discours prolixes ou compliqués, susceptibles d'ennuyer son auditoire. Ses propos doivent être clairs, simples et brefs. Elle doit aussi procéder par étapes, en exposant ses idées dans un style attachant. Ainsi, son auditoire parviendra aisément à suivre et assimiler son discours. Telle est la méthode adéquate dans ce domaine, car elle était adoptée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bukhari et Muslim rapportent que l'éminent compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu avait l'habitude de donner son enseignement aux gens tous les jeudis, c'est-à-dire une fois par semaine. Un jour, un homme lui dit: « Oh, Abba Abdirrahman, je voudrais que tu nous adresses tes sermons tous les jours. » Ibn Mas'ud lui répondit: « Ce qui m'empêche, c'est que je ne veux pas vous ennuyer. Je choisis les moments où il est opportun de vous enseigner, comme le messager d'Allah le faisait vis-à-vis de nous, craignant de nous ennuyer. » Dans son effort de prédication, la musulmane doit se montrer avenante envers son auditoire. Elle doit endurer tout ce qui est susceptible de l'agacer. La lourdeur d'esprit, l'ignorance, les erreurs répétitives, les questions ennuyeuses, etc. En cela, elle se conforme à l'attitude du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était un modèle en matière de magnanimité, de patience et de gentillesse. Il orientait ses compagnons de manière aimable, patientait face à la lenteur d'esprit de certains d'entre eux et se montrait attentif à leurs questions, même si dans certains cas, elles étaient répétitives et ennuyeuses. Il ne se lassait guère de leur répéter ses enseignements jusqu'à ce qu'il les assimile et le quitte en étant convaincu et satisfait. À ce propos, l'imam Muslim rahimahullah rapporte que Muawiya ibn al-Hakam al-Sulami, qu'Allah ta'ala l'agrée, a dit: alors que j'accomplissais la prière en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme éternua. Qu'Allah t'accorde sa miséricorde, lui répondis-je. C'est-à-dire, dans la salat, quand il a entendu quelqu'un éternuer, il lui a dit: Yarhamukallah. Mais, comme je remarquais que les autres me lançaient des regards réprobateurs, car il a parlé dans la salat, je leur dis: que ma mère soit privée de moi. Que ma mère soit privée de moi. Qu'avez-vous à me regarder ainsi? Ils se mirent alors à taper leurs cuisses de leurs mains. Ayant remarqué qu'il me faisait signe de me taire, cela me courroussa bien que je me taise. Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour le messager d'Allah, je n'ai jamais vu, ni avant lui, ni après, un enseignant l'égalant en enseignement. Par Allah, quand il acheva la prière, il ne me frappa point, ni me blâma, ni m'insulta. Il se contenta de dire: aucune des paroles habituelles des gens ne convient à la prière, car elle consiste exclusivement à célébrer la gloire d'Allah, à prononcer sa grandeur et à réciter le Coran. Naam. Aïcha, qu'Allah l'agré, a dit: quand on informait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un méfait commis par un homme, il ne disait jamais: qu'a donc un tel? Qu'a donc un tel à dire telle chose? Plutôt, il disait: quand donc certaines personnes à dire telle ou telle chose. La clarté des propos contribue aussi à faire parvenir le discours à l'auditoire. À l'instar du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la prédicatrice doit s'exprimer dans un style clair et compréhensible. Elle doit même répéter ses propos jusqu'à ce qu'elle ait la quasi-certitude que son message a été parfaitement assimilé, sans pour autant les ennuyer en expliquant des évidences. Anas, qu'Allah ta'ala l'agré, a dit: chaque fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononçait un enseignement, il le répétait 3 fois pour qu'on puisse mieux le comprendre. Et quand il se rendait chez des gens et qu'il les saluait, il disait salam alaykoum, il les saluait 3 fois. Naam, il les saluait 3 fois. Hadith rapporté par Bukhari. Aïcha qu'Allah ta'ala l'agré a dit, le discours du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était clair. Quiconque l'entendait, le comprenait. Quiconque l'entendait, le comprenait. Hadith rapporté par Abu Daoud est jugé authentique. Voir volume. Volume 4, page 360. Donc vous remarquez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam employait des termes clairs, brefs, circoncis, pas complexes, des termes que tout le monde pouvait comprendre. Et mieux que cela, il les répétait trois fois. Il répétait la chose trois fois jusqu'à ce qu'il soit sûr que tout le monde ait compris. Et plus celui qui fait le prêche et la prédication, le frère ou bien la sœur, plus il a de science, plus il a de sagesse, alors il parlera aux gens d'après leur niveau. Naam, c'est ça la vraie sagesse, la vraie hikmah. Que tu parles avec des gens, tu parles d'après leur niveau, pas d'après ton niveau. Si tu es avec des vieilles, tu ne vas pas, par exemple, parler de la différence entre les attributs de l'acte et les attributs, par exemple, de l'essence. C'est une chose qu'aucune vieille ne peut comprendre. S'il y a une dans le monde, c'est déjà quelque chose. Mais je parle avec les vieilles des choses qui feront d'elles pour l'exhorter, par exemple, à jeûner, l'exhorter à faire la prière de la nuit, ou bien lui parler de la aqida, mais la aqida qu'elle peut comprendre. La aqida qu'elle peut comprendre. Allah Ta'ala, il ne faut pas le ressembler, qu'il est au-dessus du ciel, des cieux, que voilà ce qu'il y a dans la tombe, et comme ça. Vous écrivez, cinquantièmement, elle fréquente les femmes vertueuses. 51, elle fréquente les femmes vertueuses. Alhamdoulilah. Dans ses amitiés avec les autres femmes, la musulmane opte régulièrement pour les femmes vertueuses. C'est en fait ce genre de femme qui l'aide à approfondir sa piété, accomplir les bonnes œuvres et orienter celles qui ont besoin de sensibilisation en matière de religion. Fréquenter les femmes vertueuses ne saurait être que bénéfique. C'est une source de bien et de rétribution. Il contribue à mieux comprendre l'islam, à s'attacher encore plus à ses principes et à avoir une vision judicieuse des choses. Allah Azza wa Jal incite tout croyant sincère à tenir compagnie aux gens de piété et ne pas s'en détourner pour des raisons purement temporelles. Allah Azza wa Jal a dit: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سورة الكهف. Il a dit dans سورة الكهف: fais patienter ton âme avec ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir, désirant son visage. Que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel, celui qui cède à sa passion et dont le comportement est tout transi. Subhanallah al-Azim. Vous avez entendu ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla? Fais patienter ton âme. Donc ça a besoin de patience. Notre âme ne veut pas. On la fait patienter, on la force, on la contraint. Avec qui? Pour qu'elle patiente avec ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir, désirant son visage. Notre âme voudrait qu'elle soit avec les musiciens, avec les acteurs, avec les gens qui passent leur temps dans les tentations. Mais nous, il faut que nous la commandions. Car c'est quoi? C'est un dépôt, un mana. Un mana qui est chez nous. Et demain, on va être jugé, on va être questionné sur cette âme. Cette âme qui va nous faire entrer en enfer si on va lui obéir. Donc Allah Ta'ala te demande de te forcer pour essayer d'être tout le temps, ou bien la plupart du temps, avec ceux qui invoquent Allah Ta'ala matin et soir. C'est-à-dire les gens de la science, c'est-à-dire les gens pieux en général. Les gens qui ne sont pas futiles, les gens qui passent. Ce ne sont pas les gens qui passent leur temps à assouvir leurs passions et leurs désirs. Il a dit, seules les femmes pieuses, vertueuses et nobles de caractère méritent la longue compagnie de la musulmane, car elles seules contribuent à approfondir sa foi et à adoucir son comportement. Un poète arabe a dit à ce propos, en fréquentant les gens nobles, tu seras considéré comme eux. Tâche donc de ne te familiariser qu'avec cette catégorie. Non. Beaucoup de gens, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs se plaignent que leur foi régresse, que leur foi yani, n'avance pas. Et ils disent on n'avance pas dans le din. Et si tu cherchais un peu, tu essayais un peu de rentrer dans les détails, tu vas trouver que ces frères ou bien ces sœurs qui se plaignent, le grand défaut ou bien le grand mal vient d'où ? Vient de la fréquentation. Elles fréquentent des sœurs qui n'invoquent pas Allah Azza wa Jal une fois par jour. Tout juste si elles font la prière, c'est déjà quelque chose. Et aussi, les frères fréquentent des frères qui passent leur temps du matin au soir à parler de films, à parler de journaux et à parler de football. Ensuite, il te dit, yani, ma foi régresse. C'est normal qu'elle régresse. Naam. Si tu veux que ta foi monte, alors fréquente les gens qui t'exhortent et te poussent pour faire des choses de l'au-delà. Te poussent pour que tu délaisses les choses qui sont haram. Des gens qui, lorsque tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala, ils te rappellent. Et des gens qui, lorsque tu invoques Allah Ta'ala, t'encourage. Parce qu'il y a des gens qui, lorsque tu invoques Allah Ta'ala, ils n'aiment pas. Ils disent, celui-là, il nous gêne. Il va tout le temps invoquer Allah Ta'ala, tout le temps il va nous dire, cette chose c'est haram, cette chose c'est pas bien, donc il vaut mieux ne pas rester avec cette personne. Et il y a des gens qui, lorsque tu invoques Allah Subhanahu wa Ta'ala, et si tu oublies Allah Subhanahu wa Ta'ala, ils font tout pour que tu ne te rappelles pas cette chose. Allah Azza wa Jal nous préserve de ce genre. L'appartenance sociale, écoutez bien ce qu'il va dire, l'appartenance sociale modeste, quand une sœur par exemple, un frère, est modeste par exemple, d'appartenance sociale. Ce n'est pas le fils de X et le fils de Y. Ou bien la pauvreté d'une femme vertueuse, si elle est vertueuse cette femme, ne doit pas servir de prétexte à la musulmane sincère pour se détourner d'elle. Si une personne ne fréquente pas une personne vertueuse à cause de, par exemple, elle est pauvre, ou bien à cause, par exemple, elle est, je ne sais pas, disons, elle est moche de visage, ou là parce qu'elle a des vêtements déchirés, si elle ne la fréquente pas à cause de cela, alors qu'elle sait qu'elle est vertueuse, c'est que vraiment cette personne, est loin de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand on aime Allah ta'ala, on aime toutes les personnes et toutes les choses qu'il aime. Or Allah ta'ala aime la personne qui est vertueuse, même si c'est la plus pauvre du monde. Or comment se fait-il que toi tu ne l'aimes pas? Donc ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seulement une prétention. C'est pour ça il y a des gens, Allah yahdihum, même s'ils se disent qu'ils sont telle et telle chose, yani, je ne veux pas dire salafi, etc., mais ils ne fréquentent que des gens qu'ils choisissent. Non, c'est bien de choisir des gens, ne pas fréquenter tout le monde. Mais ce que je veux dire ici, c'est que s'ils voient que certains gens sont pauvres, par exemple, sont des chômeurs ou là, ils ne fréquentent pas. Pourquoi ? Ils aiment fréquenter des gens qui sont d'une haute classe sociale. Bien qu'ils sont riches, qu'ils sont aisés. Non, ils ne fréquentent pas les gens pauvres, les gens qui sont dans le chômage, les gens qui n'ont pas d'argent pour s'habiller. Bon, ils ne les fréquentent pas. Or, ceux-là ne sont pas véridiques dans leur foi. Il dit ici, l'essentiel en matière de relations sociales, c'est la personnalité des autres femmes et non leur apparence, leur appartenance ou leur richesse. La vertu étant l'unique critère dans les rapports d'amitié, la musulmane ne doit éprouver aucune honte à fréquenter les femmes dont le niveau social est inférieur au sien. Dans sa quête du savoir, le prophète Moussa, alayhi salam, a décidé d'accompagner l'homme vertueux en lui disant, sur un ton humble et respectueux, puis-je te suivre pour que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris en m'orientant? L'autre lui a répondu, vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Il lui a répondu, Moussa al-Islam lui a répondu, c'est-à-dire il a insisté sur sa demande en disant avec politesse et courtoisie, si Allah le veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Non. En choisissant ses amis, la musulmane consciencieuse se rappelle que les gens sont semblables aux métaux. Aux métaux. Certains sont précieux, d'autres n'ont aucune valeur. Le messager d'Allah a dit, les gens sont semblables à des mines, telles les mines d'or et d'argent. Les meilleurs d'entre eux, autant anti-islamiques, la Jahiliya, sont les meilleurs au temps de l'islam, s'ils comprennent parfaitement ses enseignements. Ensuite, il a dit, les âmes sont semblables à des soldats enrégimentés. Celles qui se reconnaissent mutuellement s'accordent entre elles, tandis que celles qui ne s'identifient pas les unes aux autres sont en désaccord entre elles, a été rapporté par Muslim. D'ailleurs, tout le monde peut et en est approuvé cela. Tout le monde sait que il y a des personnes que tu vois pour la première fois, tu as des penchants vers cette personne, tu commences à l'aimer. Il y a des personnes, tu peux le fréquenter 2, 3, 4 mois, ça donne rien. Il n'y a pas ce penchement vers cette personne. Pourquoi? À cause de nos âmes qui sont comme des soldats enrégimentés et ces deux âmes-là ne se sont pas accordées. Ne se sont pas accordées. Pourquoi? Parce que elles ne se sont pas reconnues mutuellement. Dans l'univers de l'amitié, il y a deux catégories de compagnons, les bons et les mauvais. La compagnie des bons est bénéfique sur tous les plans, tandis que la compagnie du mauvais ou la des mauvais n'engendre que les pires conséquences. La musulmane avertie connaît cette classification, car le messager d'Allah l'en a informé en employant une merveilleuse métaphore. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le bon compagnon et le mauvais sont comparables respectivement au vendeur du musc, celui qui vend les parfums, et au forgeron. Concernant le vendeur du musc, ou bien il t'en fera cadeau, ou bien tu lui en achèteras, ou bien au moins tu en sortiras la bonne odeur, tu en sentiras la bonne odeur. Quant au forgeron, ou bien il brûlera tes vêtements, ou bien il te fera sentir une odeur puante, dit rapporté par Bukhari et Muslim. Donc vous voyez celui qui a une bonne fréquentation et celui qui a une mauvaise fréquentation. Quand tu as une bonne fréquentation, tu es toujours gagnant. C'est comme lorsque tu as un ami qui vend des parfums et tu vas t'asseoir chez lui pour discuter. Donc, ou bien il va te donner un cadeau, un petit flacon de parfum, ou bien c'est toi qui vas en acheter, ou bien si tu n'as pas les moyens pour en acheter et il ne t'a rien donné en cadeau, tu vas sortir de lui avec une bonne odeur. Car le parfum, premièrement, tu l'as senti, et c'est bien de sentir le bon parfum, premièrement, et deuxièmement, ce parfum, un peu de ce parfum va rester sur tes vêtements. Non, tu vas aller chez toi, on va dire, Mashallah, tu étais avec qui? Et quand tu fréquentes quelqu'un qui est mauvais, ou bien il va brûler tes vêtements, comme le forgeron, si tu fréquentes un forgeron, tu vas chez lui pour discuter un peu, ou bien il va brûler tes vêtements sans le vouloir, ou bien tu vas sortir de chez lui avec une odeur puante. Hein, vous remarquez, quand on va seulement dans un cybercafé, par exemple, si on n'a pas d'internet à la maison, on va dans un cybercafé. Quand on va chez soi à la maison, La première chose qu'on va nous dire, où étais-tu? Pourquoi tu dis? On te dit, tu sens la cigarette. Tu sens la cigarette. Pourquoi? Tu vas t'asseoir devant des gens collés à eux, là, mais à droite et à gauche, et en face de toi et derrière toi, on fume, et tu vas, ils vont t'enfumer, tu vas prendre tout ça où? Sur tes vêtements. Il a dit, en raison de ces considérations, les compagnons tenaient toujours à rendre visite aux personnes vertueuses dont la compagnie les incitait à évoquer Allah Azzawajal et à attendrir leur cœur en méditant sur le sort des humains dans l'autre monde. À ce propos, Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte le récit suivant. Il a dit, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, a dit à Omar, qu'Allah ta'ala l'agrée, allons rendre visite à Ummu Ayman, comme le faisait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était vivant. Alors, quand ils arrivèrent chez elle, elle se mit à pleurer. Ils lui dirent, qu'est-ce qui te fait pleurer? Ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur pour le messager d'Allah. Pourquoi tu pleures? Le messager d'Allah, s'il est mort, hein? Le fait qu'il soit mort, c'est mieux pour lui. Car ce qu'il a rencontré maintenant chez Allah, c'est mieux ce qu'il avait ici. Non. Tout le monde sait que ici c'était l'un des plus pauvres. Non. Alors que là-bas, chez Allah Ta'ala, il a tout. Elle a dit, ce n'est nullement parce que je ne sais pas ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur pour le messager d'Allah que je pleure. Si je pleure, c'est parce que la révélation s'est interrompue à jamais. Si je pleure, c'est parce que le Coran ne va plus descendre, il ne va plus y avoir de révélation. Hein? Le dîn s'est parachevé. Khlas. En entendant ces mots, Abu Bakr et Omar, radiallahu ta'ala anhum, furent tellement émus qu'ils se mirent à pleurer avec elle. Hadith rapporté par Muslim. Rappelons enfin, donc vous voyez la bonne compagnie, ils sont allés chez une femme, elle les a fait pleurer. Non, c'est quoi le mieux pour toi que tu ailles chez quelqu'un qui va te faire pleurer en te parlant de l'au-delà, en te parlant de ce qu'il y a là-bas, ou là que tu ailles chez quelqu'un qui va te faire rire des heures et des heures, non, et tu vas revenir chez toi sans avoir fait la salat à l'heure, sans avoir rien appris, même tu vas revenir chez toi en sentant que ta foi a régressé. Qu'est-ce qui est mieux? Sûrement la première compagnie. Rappelons enfin que les assemblées composées de femmes vertueuses, dont l'objet est d'évoquer Allah Azzawajal et de traiter des sujets saints et sérieux, sont des assemblées entourées par les anges et enveloppées par la miséricorde d'Allah Azzawajal. Ce genre d'assemblée contribue effectivement à purifier les âmes, à adoucir les caractères et à éclairer les esprits. Il y a donc là de bonnes raisons qui devraient inciter la musulmane à y participer fréquemment pour jouir de leurs effets bénéfiques dans ce bas monde et dans l'au-delà. 52e, vous écrivez, elle œuvre pour réconcilier les musulmanes. Elle œuvre pour réconcilier les musulmans. La société musulmane est certes une société dont les membres se distinguent par l'esprit de fraternité, de communication, de compréhension et de tolérance les uns vis-à-vis des autres. Cependant, cette société demeure substantiellement humaine et donc susceptible de connaître des épisodes de rigide, des épisodes de litige, d'hostilité, de discorde, pouvant même entraîner jusqu'à la rupture des liens entre les croyants. Ces discordes sont, comme nous venons de le souligner, épisodiques. Non. Et ne représentent pas une constante au sein de la société musulmane. Et ce, en raison des enseignements de l'islam qui recommandent la fraternité entre croyants et condamnent la haine et l'hostilité. Ayant vu la faiblesse humaine, dû à son penchant égoïste, l'islam recommande des méthodes efficaces pour remédier à toute situation de discorde ou de rupture entre croyants. comme nous l'avons mentionné dans un chapitre précédent, l'islam interdit à tout musulman de rompre avec son co-religionnaire durant plus de 3 jours. Le messager d'Allah a dit à ce propos, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est permis à personne de rompre avec un croyant durant plus de 3 jours. Passé ces 3 jours, il doit aller à sa rencontre et le saluer. Si ce dernier répond à son salut, il se partage la récompense d'Allah. Si par contre il n'y répond pas, le premier sera disculpé du péché de la rupture. Hadith rapporté par Bukhari et dans Adab Mufrad. Donc, c'est un hadith authentique. Donc, il n'est pas permis en islam de quoi ? De d'isoler, disons, une personne, un musulman, plus de 3 jours. Sauf, comme vous le savez, si c'est par exemple à cause du din. Si c'est à cause de, par exemple, qu'il ne veut pas faire la prière, ou là qu'il fréquente des filles, ou là qu'il boit de l'alcool, ou là qu'il c'est un innovateur, et comme ça, il y a ce qu'on appelle l'hajr, ce qu'on appelle l'isolement, mais on le fait dans un but précis, c'est pour que la personne revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si on s'isole de cette personne et elle ne revient pas, et pire encore, elle va se noyer dans les péchés, il vaut mieux alors lui parler parce qu'au moins je lui ai fait entendre yani une parole une fois par mois ou là mieux que qu'elle n'entende rien de moi. Non, au moins quand je la salue, je lui dis comment ça va, je lui parle un peu, au moins peut-être ça va donner quelque chose. Mais maintenant si je vais l'isoler et que elle va se noyer dans les péchés, non, je n'ai rien fait de bien. Car pourquoi je dis pour ça? Ça va venir inchallah dans le prochain dars. Le prochain dars c'est comment faire la da'wa comme je vous avais inchallah ta'ala promis cela. Car aujourd'hui je termine ce livre inchallah. Prochain dars, comment faire la da'wa. Car le fait, comme je l'ai dit, je le dirai la prochaine fois inchallah ta'ala, le fait d'isoler en islam, hein, ce n'est pas un but en soi. Mais c'est une cause pour pousser la personne à ce qu'elle délaisse le péché et revienne vers Allah. Hein. Pourquoi je dis pour ça? Car certaines personnes sont vindicatifs, c'est-à-dire ils ont la vengeance et la haine dans le cœur. Quand quelqu'un se trompe, il l'isole. Ce n'est pas pour qu'il revienne. Il l'isole par vengeance, parce qu'il le déteste. Non. Déjà, ils avaient des comptes à lui rendre. Maintenant qu'il s'est trompé, alhamdoulilah. Voilà, comme ça, je ne vais plus lui parler. Donc, ça, ce n'est pas pour Allah Azza wa Jal. Ça, tu te fatigues en ne pas lui parlant. Tu ne l'as pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran ordonne aux musulmans et aux musulmanes de réconcilier les croyants en litige, notamment lorsque l'hostilité aveugle pousse ces derniers à se déclarer la guerre. Allah Ta'ala a dit, si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Si l'un des deux groupes se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables. Car Allah Ta'ala aime les justes. Coran 49:9. Réconcilier les croyants séparés par un différent est donc un devoir. Car la société musulmane doit se distinguer par la concorde et la fraternité. Allah Ta'ala a dit, certes, les croyants sont frères. Établissez donc la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. Coran 49:10. Conformément à ces enseignements, la musulmane est tenue à réconcilier ses sœurs en religion qui sont en conflit ou celles qui ont rompu leur lien de fraternité. Dans cette perspective, l'islam autorise même à exagérer les propos de l'une des parties en conflit et à les embellir en les rapportant à l'autre partie afin de hâter leur réconciliation. Inventer des propos flatteurs et les attribuer à une personne en discorde avec une autre, dont l'unique intention de ramener celle-ci à des meilleurs sentiments, en préparant ainsi la réconciliation, n'est pas considéré par l'islam comme étant un mensonge. C'est plutôt un mensonge licite, voire recommandé. Bukhari et Muslim rapportent, d'après Umm Kulthum bint Uqba ibn Abi Mu'ayt, qu'Allah Ta'ala l'agrée, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, n'est pas un menteur celui qui réconcilie les gens en rapportant ou bien en disant des propos bienveillants. Hadith rapporté par Muslim. Dans une autre version de Muslim, il est dit que Ummu Kulthum a ajouté: je ne l'ai jamais entendu tolérer le mensonge quand ces trois cas de figure, la guerre, la réconciliation entre les gens et entre un homme et sa femme. Un homme et sa femme. Hadith rapporté par Muslim. Naam. On va terminer avec 53. Vous écrivez 53, dernier sous-chapitre. Elle se mêle aux femmes et endure leur tort. Elle se mêle aux femmes et endure leur tort. La musulmane sincère doit se mêler aux autres femmes et endurer les méfaits de certaines d'entre elles. Car elle agit conformément à un engagement, une cause à défendre et un message à transmettre. Entreprendre cette tâche, oh combien noble et importante, exige beaucoup d'abnégation et de patience. Il arrive que certaines femmes qu'elles abordent pour leur expliquer les principes de l'islam ou bien les appeler à observer ces règles, se moquent d'elles ou bien lui répondent de manière plus convenable et dédaigneuse. Ce genre de femmes existe effectivement dans la société humaine. Elles sont égocentriques, détachées exclusivement au plaisir de la vie, attachées à des occupations vaines et futiles, frivoles. Elles sont insoucieuses vis-à-vis de la religion et lentes à se conformer à ses préceptes. Ces gens-là ont toujours et partout existé. Leur comportement agaçant peut même pousser la musulmane qui les côtoie à désespérer de leur cas et à abandonner définitivement sa mission de prédication. Cependant, cet obstacle ne doit aucunement affaiblir la musulmane ou bien la pousser à s'éloigner des gens et à se replier sur elle-même. Elle doit plutôt faire preuve de patience et de magnanimité, à l'instar des prophètes et des messagers qui ont entrepris cette mission avant elle, afin d'aguerrir les croyants qui s'engagent à communiquer l'islam aux autres et de les encourager à persister dans leur mission. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur affirme que celui qui endure les méfaits des gens a plus de mérite que celui qui ne les supporte pas. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Bukhari dans Adab Mufrad, volume 1, page 478, authentique, il a dit: le croyant qui fréquente les gens et endure leur tort a plus de mérite que celui qui ne les fréquente pas et n'endure point leur tort. Je répète, le croyant qui fréquente les gens et endure leur tort a plus de mérite que celui qui ne les fréquente pas et n'endure point leur tort. Ici, je veux dire une chose, Naam, je dis à condition que cette personne qui fréquente les gens et qui veut avoir, Naam, qui veut avoir ce grand mérite-là, et elle va endurer leur tort, à condition que, yani, ça ne se retourne pas contre elle. Car il y a des personnes qui, par exemple, qui sont vraiment faibles, et qui, Naam, si on leur dit un mot déplacé, ou bien on les insulte, ou bien on les frappe, ou là, elles risquent de tout quitter. Naam, je connais des gens, et peut-être vous-même vous connaissez. Moi, je connais des gens personnellement, j'ai même un nom maintenant là dans ma tête, d'une personne qui, lorsqu'elle a commencé à faire la prière, elle a commencé à la maison, un homme. Ensuite, la première fois où il a été à la mosquée, on lui a volé ses souliers. Depuis ce jour-là, il n'est plus jamais allé à la mosquée et a quitté même la salat à la maison. Il dit, puis moi je croyais que Allah Ta'ala, c'est-à-dire allait me sauver, ou là, comment qu'on dit, puisque maintenant il les a laissés voler, donc je ne vois pas pourquoi je vais continuer à faire la prière. Bref, maintenant je dis que celui qui sait qu'il peut endurer avec les gens, s'il les fréquente et il endure avec eux, celui-là est mieux que celui qui se retire et qui n'endure pas. Non. Mais comme je viens de dire, à condition qu'il sache qu'il a un cœur fort. Et c'est quelqu'un, quand on lui dit on a dit ça de toi, ou là on t'a insulté, ou là, fillah subhanahu wa ta'ala, il croit, il patiente. S'il est de ce genre, c'est mieux pour lui de fréquenter et d'endurer. Non. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les prophètes qui l'ont précédé, sont des modèles parfaits en matière de patience devant la rudesse des gens, leur futilité et leurs accusations mensongères. Les croyants et les croyantes engagés à diffuser l'islam devraient donc suivre leur exemple en faisant preuve de patience et de magnanimité face à la mécréance et à la malfaisance de certaines personnes, même si elles sont musulmanes. Le Bukhari Muslim rapporte un récit qui illustre parfaitement l'immense magnanimité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien ce qui va suivre. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit le partage du butin. On lui a ramené un butin, de l'or, des champs, etc. Il a commencé à partager le butin, comme il le faisait à plusieurs occasions. Mais un homme des Ansar, des Médinois, a dit, il a juré, il a dit, par Allah, ce partage n'a pas été effectué pour le visage d'Allah. Allahu Akbar. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce que vous connaissez une phrase plus mauvaise, plus mécréante que cette phrase? Que tu dises du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et tu jures, tu dis, je jure par Allah, ô messager d'Allah, que tu es injuste. Allahu Akbar. Je jure, ô messager d'Allah, par Allah, que ce que tu viens de faire, tu ne l'as pas fait pour le visage d'Allah. Regardez le messager d'Allah, qu'est-ce qu'on dit de lui et comment qu'il répond. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut péniblement ému au point que son visage changea de couleur. Il y a de quoi. C'est un être humain comme nous, il y a de quoi. Puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'Allah est l'âme de Moussa. Yani Allah yirham Moussa. Moussa, mon frère. Moussa, le messager d'Allah. Il a dit, qu'Allah ta'ala, yani, est l'âme de Moussa. Alayhi salam. Pourquoi? Qui, avec endurance, a subi une adversité plus dure. Cependant, il les a supportés. Non, il a dit, Allah yirham Moussa, qui a yani, subi une adversité plus dure que la mienne, et il les a supportés. En prononçant ces mots, la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam se dissipa. Le ressentiment le quitta, et il retrouva son indulgence habituelle. Tel fut le comportement des prophètes et des croyants qui appelaient sincèrement à la vérité, hein, enduraient les torts et les accusations mensongères émises par les gens. Tel est aussi le comportement adopté par tout croyant et toute croyante, car sans cela, la mission d'appeler à l'islam sera entravée. En fait, si chaque personne qui va commencer la da'wah, si chaque sœur qui va parler à sa voisine de l'islam, si à chaque fois qu'elle va entendre yani, une accusation, ou bien elle va entendre quelque chose de mal, ou un mot mal placé, elle va dire j'arrête la da'wah, donc qui va faire cette da'wah? Non. Mais toi mon frère, toi ma soeur, tu fais ça pour le visage d'Allah. Donc, quelqu'un qui dit du mal de toi ne doit pas t'arrêter et entraver ta mission. Non. On voit qui est cette personne. Si cette personne qui a dit de moi du mal, c'est un savant, non, un vrai savant qui t'aime au sunna, c'est que vraiment je suis dans l'erreur, je dois donc me corriger. Si c'est un mubtadi, ou bien quelqu'un qui est lui-même dans l'égarement et qui dit du mal de moi, ça ne doit me faire ni chaud ni froid. Si ça me fait un peu chaud, un peu froid, je dois résister et invoquer non, les messagers d'Allah qui ont souffert beaucoup plus que moi avant moi, et tous les gens de la da'wah qui souffrent et qui on les accuse de mille choses, mais ce qui te fait, Inch'Allah, ta patienter, c'est le fait de savoir ce qui t'attend demain chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce que tu as enduré ici ne va pas partir dans le vide. C'est écrit chez Allah ta'ala combien tu as souffert et combien tu as enduré, et Allah ta'ala ne va pas laisser yani, la chose aller comme ça dans le vent. Mais il va te donner des choses. Si tu savais ce qu'il va te donner demain, tu dirais qu'on vont dire des martyrs. Qu'est-ce qu'ils vont dire demain? Ils vont dire Ya Allah, le hadith est authentique. Non? Si tu pouvais nous rendre une deuxième fois dans cette vie, pour qu'on vive une deuxième fois, pourquoi? Juste pour qu'on meure une deuxième, et troisième, quatrième fois comme ça. Non? On meure une autre fois. Pour toi, pour ton visage, ils ont dit pourquoi, vu يعني lorsqu'ils ont vu ce que Allah Ta'ala leur a يعني donné là-bas. نعم. Quand quelqu'un voit ce que Allah Ta'ala lui cache là-bas pour demain, نعم, il va dire, Ya Allah, si je pouvais revenir dans cette vie et refaire ce que j'ai fait en 10 fois plus ou 100 fois plus. نعم. طيب. Pour mener à bien cette mission noble, la musulmane doit faire preuve d'intelligence et de subtilité. En plus de la patience qu'elle doit observer de façon constante, elle doit au préalable prendre en considération le niveau mental, intellectuel et social des femmes à qui elle adresse son message, avant d'adopter une méthode adéquate à chacune d'entre elles, ainsi son action sera efficace et bénéfique. La musulmane, celle qui a la sagesse, elle a la science, elle a la hikma, elle ne parle pas à toutes les femmes, par exemple, de la même façon. Mais elle parle à toutes les femmes d'après leur niveau, d'après leur caractère, d'après leur... Est-ce qu'elles sont nouvelles en islam ou est-ce qu'elles sont anciennes? Est-ce que c'est une reconvertie avec laquelle je dois aller doucement, doucement? Ou est-ce que c'est une sœur qui, ça fait 20 ans qu'elle fait la prière? Ça fait 20 ans qu'elle fait dans le minhaj, qu'elle est dans le minhaj. Je parle d'une personne qui, elle est par exemple dans un état où elle veut entendre ça, ou là je parle avec une personne qui a des préjugés sur l'islam, qui, yani, on lui a amoché l'islam, on lui a dit toutes celles qui portent le djilbab et tous ceux qui portent la barbe sont des hypocrites, sont des terroristes, faut pas les écouter. Donc toutes ces choses-là, je dois les prendre en considération quand je fais ma da'wa, pour savoir de quel côté, yani, de quel côté venir vers cette personne. Est-ce que je lui viens de ce côté-là où on a amoché l'islam pour lui montrer qu'elle se trompe et sera indirectement, ou bien je dois lui venir du côté parce qu'elle aime qu'on lui parle du paradis, etc. Ou bien cette personne aime qu'on lui parle de l'islam, que comme quoi l'islam, yani, il ne se contradit pas avec avec la nouveauté, avec yani, l'émancipation, etc. Donc, je dois bien analyser qui est cette personne à laquelle je vais faire la da'wa. Qui est-elle? Ensuite, quel âge qu'elle a? Quel est son niveau? Niveau social, elle appartient à quelle société? Sûrement que quand tu parles à un riche et tu parles à un pauvre, ce n'est pas la même chose. Quand tu parles à un milliardaire, tu parles à quelqu'un qui habite dans une maison d'argile, ce n'est pas la même chose. Le milliardaire, sûrement que c'est beaucoup plus difficile parce qu'il accepte de toi que l'autre. Non, l'autre, il est là, il n'a rien, il n'attend que tu lui dises des choses qui le réconfortent. Le milliardaire, il a tout. Tu vas dire, pourquoi moi je vais perdre mon temps à écouter celui-là? Donc c'est un peu difficile à ce que tu le convainques qu'il t'écoute. Non. Et comme j'ai dit maintenant, non, cela dépend plus celui qui fait la da'wa à la science et la sagesse, la hikma. La hikma, comment parler, quand est-ce que parler, quand est-ce que se taire, avec quoi commencer, par qui commencer, par quelle personne, par quel sujet commencer, tout ça, ça compte beaucoup. Tout ça, ça compte beaucoup. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On va commencer les questions-réponses entre un quart d'heure et une demi-heure, Inch'Allah Ta'ala, le temps d'aller manger. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous donne le micro إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. Donc le manger n'est pas prêt, hein? Donc on va, pour ne pas perdre de temps, je vais répondre à vos questions. On commence إن شاء الله تعالى par Abu Salman. نعم. حياك الله. بوست كيسيون ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرتغالي. السلام عليكم. Quand je me suis repenti, alhamdulillah, j'ai juré de faire 2 rak'at après les Aïcha jusqu'à la mort. Si je l'ai fait, est-ce bid'a? Barakallahu fikoum. Tfadar, cheikh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله. نعم. Je ne peux pas dire que ça rentre dans la bid'a parce que ici il a fait ce qu'on appelle un nadr. نعم, il a fait ce qu'on appelle un nadr. Et le nadr, نعم, vous savez que ce n'est pas bien de le faire. En règle générale, ce n'est pas bien de faire le nadr. C'est pas comment on dit nadr en français, mais ce n'est pas bien de le faire, de dire par exemple, s'il se passe telle ou telle chose, je vais faire, je vais un vœu, naam, je vais égorger un mouton, ou là je vais faire un siyam jusqu'à 2 mois, ou là toute ma vie, etc. Naam, en règle générale, ce n'est pas bien de le faire. Celui qui veut faire une chose, qu'il la fasse sans vœu, qu'il la fasse directement sans vœu. Mais si quelqu'un maintenant a fait un vœu d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, donc cette personne doit, yani, doit faire la chose. C'est-à-dire que ici, Stein Sada, qui a fait un vœu de faire 2 rak'at après l'Aïcha jusqu'à la mort, il doit les faire, bi'idhnillah azzawajal, jusqu'à la mort. Sauf si vraiment, yani, il se trouve qu'il ne puisse plus, dans ce cas, il doit faire la kafara, qui est celle de la même que quand on jure de faire quelque chose. C'est la même que quand on jure de faire quelque chose et qu'on ne peut pas. Naam. Wallahu azzawajal a'lam. Tafadhal inshallah ta'ala le suivant. Donc, Al-Burtughali, Inch'Allah. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendant la salat, lorsqu'il y a une erreur de la part de l'imam, les hommes peuvent dire Subhanallah et les femmes. Est-ce que les hommes peuvent dire Subhanallah et les femmes, est-ce qu'elles doivent taper des mains? Est-ce que la question est terminée, Al-Burtughali? Tapez un, Inch'Allah, lorsque les questions sont terminées. Assalamu alaykoum. Pendant la salat, lorsqu'il y a une erreur de la part de l'imam, les hommes peuvent dire Subhanallah et les femmes doivent taper des mains. Qu'en est-il lorsque la femme prie avec d'autres femmes ou avec son mari? Peuvent-elles dire Subhanallah? Tfadal Sheikh. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. En ce qui concerne la question qui dit que la femme quand elle est derrière son mari ou bien elle fait la prière avec des femmes, est-ce que elle peut dire Subhanallah par exemple au lieu de frapper des mains puisque elle n'est qu'avec des femmes ou bien qu'elle n'est qu'avec son mari. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit: si on voyait, yani, si on analysait la chose par raisonnement et par logique, on dirait alors qu'elle peut. Parce que, non, elle est seulement avec des femmes, ou bien elle est seulement avec son mari. Mais, si on se basait seulement sur le hadith, sans faire entrer la raison, on va dire qu'elle ne peut pas. Parce que le hadith a dit quoi? Naam a dit que les femmes frappaient des mains et que les gens disent Subhanallah. Ibn Uthaymeen a dit, et ça c'est général. On doit l'appliquer même quand la femme avec des femmes. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand la femme est avec des femmes, elle fait quoi? Elle frappe des mains, elle ne dit pas Subhanallah. Et quand la femme avec son mari, il a dit, elle frappe des mains, elle ne dit pas Subhanallah. Il a dit, c'est la vie le plus juste. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadlan, on passe au suivant. Donc c'est la question de Ourti Sounia. Salam alaykoum wa rahmatou cheikh. Une grand-mère très âgée peur et que doit-elle lui parler? Que doit-elle lui parler en priorité de façon générale? Qu'Allah vous récompense de nous éclairer à ce sujet. Amin. Tfadal cheikh. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Tayyib, je n'ai pas entendu le début. Bon, je vais essayer de lire ce qui est écrit car ça coupe beaucoup et je n'entends que la fin. Mouhim, laissez-moi lire ce qui est écrit, inshallah. Salam alaykoum wa rahmatoullah wa barakatuh. Une grand-mère très âgée s'est convertie à l'islam depuis peu. Masha'Allah. Alhamdulillah. Elle est très malade et la sœur vous demande. La sœur vous demande. Parce que vous demande comment peut-elle aborder la mort et l'après avec elle sans lui faire peur et de quoi doit-elle lui parler en priorité de façon générale. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. on devrait d'abord la féliciter et yani, lui faire des éloges, etc. Et lui dire que Alhamdoulillah, yani, que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur le Tout-Puissant, yani, t'es choisi pour te guider. T'es choisi pour te guider, naam. Et comme ça, si quelqu'un yani, meurt, il va mourir musulman, naam, et que c'est le paradis qui l'attend là-bas. Et c'est la rencontre des messagers, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternité, etc. Nam, lui parler des choses qui yani, l'exhorteraient à vouloir yani, comprendre plus, à vouloir pratiquer plus, et comme ça. Nam. Et on lui parle au moins yani, des grands piliers, surtout le premier qui est la salat. On lui parle des grands piliers et du premier qui est la salat. Et que un musulman, quand il entre en islam, il doit par exemple attester qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah, que Mohammed c'est son dernier messager, et que surtout insister sur Jésus, que Isa alayhi salam, ce n'est pas son fils ni un dieu, c'est seulement aussi un messager, et que nous on croit en lui bien sûr, comme on croit en tous les prophètes. Ensuite, si on est par exemple dans le ramadan, on lui parle du jeûne. Sinon, on doit lui parler au moins de la salat, naam, qu'il y a cinq grands piliers en islam, et que la prière, c'est quelque chose yani, de primordial, et que le musulman, même s'il est très, très malade, il peut la faire assis, il peut la faire sur son flanc, il peut la faire sur son ventre. Naam, mais s'il ne peut pas faire les ablutions, il y a une chose qui s'appelle le tayammum. Et comme ça, naam, et on commence yani, petit à petit à lui donner la dose. On commence petit à petit à lui donner la dose sans essayer, en faisant le maximum pour ne pas la brusquer. Non, en faisant le maximum pour ne pas la brusquer ou la faire fuir. Ou la faire fuir. Quand elle demande, yani on lui répond. Quand on voit qu'elle est intéressée, qu'elle est ceci, yani on l'exhorte petit à petit. Non. Wallah ta'ala alam, que Allah azza wa jalla vous aide dans votre prédication. Non, soyez sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, allez doucement avec sagesse et Allah Ta'ala vous aidera et vous ouvrira ses portes. Soit dans Inch'Allah le suivant. Donc là, c'est la question de Abu Salman. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, un frère demande: j'aimerais que vous me conseilliez, en fait, ma soeur est malade, mais je ne sais pas si elle est possédée par un djinn ou si c'est mental. Et je dis toujours à mon père de lui faire ruqya, mais j'ai l'impression qu'il est endormi par dunya. Chaque fois, il change de sujet. En plus, il trouve que j'abuse dans l'islam. Donc je ne sais pas comment faire. Cher, pouvez-vous me conseiller? Barakallahu fikoum pour tout ce que vous faites. Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Si j'ai bien entendu, est-ce qu'il parlait de sa sœur? Si c'est oui, écris-moi numéro 1. Est-ce que cette personne parlait de sa sœur qui était malade, possédée par un djinn? Si c'est oui, vous m'écrivez le numéro 1. Donc je disais, Nam, ou bien, voilà, la réponse est ou bien, ce frère, c'est lui qui va faire lui-même la ruqya à sa sœur, car c'est très important, pour qu'on sache ce qu'elle a. Si elle l'a pour qu'elle guérisse bin azawjel, ou bien il la prend chez un raqi, il la prend chez quelqu'un qui fait la ruqya en cachette. Ce n'est pas la peine de dire à son père, puisque son père est contre, etc. La solution, c'est de la prendre en cachette, de faire rendez-vous avec une sœur qui fait la ruqya, sinon un frère, et il lui fait la ruqya, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala la guérisse. Faites le suivant. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Donc, j'entends pas vos questions, ça se coupe beaucoup. Donc, donnez-moi le temps, inshallah ta'ala, de lire la question. Un frère demande, salam wa alaykoum. Le fait que l'eau touche tout le corps est une obligation dans la grande ablution. Je voudrais savoir si, par exemple, j'ai une tache de peinture sur ma peau et que je ne peux pas l'enlever, est-ce que ma grande ablution est valide? Donc, je disais, s'il y a quelque chose, s'il y a par exemple de la peinture, et que cette peinture, par exemple, ce n'est pas de la peinture à l'eau, c'est de la laque. Et tout le monde sait que, par exemple, la laque, Naam, si elle est, il faut voir maintenant si elle est, comment on dit ça, yani épaisse. Si elle est épaisse, Yani elle va pas laisser l'eau arriver à la partie du corps. Non, dans ce cas, il faut faire son possible avant de faire les ablutions de l'enlever. Maintenant, si c'est une chose qui s'enlève pas, non, on est excusé. Mais quand est-ce que les ablutions sont plus valables? Si on peut l'enlever et on l'enlève pas. C'est un peu ça. C'est comme si quelqu'un, par exemple, a de la souillure dans ses vêtements. Et il enlève, il fait tout son possible. Il lève 10 fois, 100 fois, il lave 30 fois, ça s'enlève pas. Essentiel, il a fait ce qu'il devait faire. Et, alhamdoulilah, il est excusé. La même chose ici. Non. S'il peut l'enlever de façon à ce qu'elle parte, il doit l'enlever. Mais s'il peut pas, c'est quelque chose qui s'enlève pas ou là, ikhlas, Allah Ta'ala, yani, l'excuse. Mais je pense, d'après ce que je vois, que c'est quelque chose de vraiment, yani, fin. Ce n'est pas épais, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que quand la peinture est épaisse, yani, le gros s'enlève. Le gros s'enlève. Il reste juste une petite plaque comme ça, très fine, non, qui normalement laisse l'eau passer, d'après ce que je connais de la peinture. Wallahu a'lam, tafaddal, suivant. Amatul Haq, posez votre question, Inch'Allah. Afwan, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Qu'Allah vous récompense pour ce cours, Amin. Question. Ma question est, est-il obligé d'apprendre les trois fondements par cœur et en arabe? Wa'alaikum salam wa rahmatullah, vous m'entendez? C'est dommage pour tout ce temps, yani, qui est parti comme ça dans le vent. Nam, c'est dommage pour tout le temps qui est parti comme ça dans le vent. Enfin, pour ne pas perdre de temps. Réponse, il n'est pas obligé d'apprendre les trois fondements par cœur et en arabe. Nam, il n'est pas obligé. Le Coran lui-même, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas obligé qu'on l'apprenne. Qu'en est-il maintenant des trois fondements? Mais c'est un livre, Nam, que tout débutant, par exemple, devrait connaître et y en est, essayer de le mémoriser. Mais ce n'est pas une obligation, bi'illah ta'ala. Tfadal, le prochain. Salam alaikum, Shir. Nous avons beaucoup de frères qui font preuve d'exagération au sujet du comportement de leurs femmes avec leurs beaux-frères. Pourriez-vous nous expliquer le hadith qui dit que le beau-frère, c'est la mort? Quel est le jugement par rapport au beau-frère lorsque la femme est avec son mari? Peut-elle rester dans la même pièce avec eux si elle est couverte et que son mari est présent? Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatou. Vous m'entendez? En ce qui concerne cette chose, ou là, cette question, et beaucoup de choses, on va trouver que la plupart des gens ne peuvent pas maintenir le milieu, sont dans les extrêmes. Sont dans les extrêmes. C'est-à-dire, ou bien ils font comme font certains qui interdisent toute chose à leur femme, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas parler avec le beau-frère, qu'elle ne doit pas, yani, lui ouvrir la porte, qu'elle ne doit pas, yani, le saluer, qu'elle ne doit rien. Ou bien, ils ouvrent toutes choses, comme certains frères, qui laissent quoi? Qui laissent leur femme avec le beau-frère et vont, par exemple, étudier, vont en Égypte, vont en Inde, vont je sais pas où, et ils laissent, comme m'a dit une sœur, elle m'a dit, on m'a laissé seul avec le beau-frère, seul, seul dans un appartement. Subhanallah. Alors que maintenir le milieu, c'est la chose la plus vraie, la plus juste. C'est quoi? C'est que le beau-frère, on ne doit pas le laisser en tête à tête. Nam, on ne doit pas laisser en tête à tête. Mais si le mari est présent, il est permis qu'elle s'assoie, par exemple, dans une pièce où il y a le beau-frère. Dans une même pièce où il y a le beau-frère, s'il y a le mari qui est présent, ou bien le père du mari, nam, à condition qu'elle soit habillée, comme par exemple lorsqu'elle sort dehors, nam. Et ce n'est pas aussi interdit de prendre un repas ensemble aussi, si le mari est présent, si le père du mari est présent, avec la permission du mari, s'il est absent, il y a son père. Et comme ça, il a fait toi de Cheikh Ibn Baz, rahimallah, je vous l'ai lu plusieurs fois. Donc il faut, inshallah ta'ala, être au milieu, ne pas exagérer dans le fait de tout interdire, jusqu'à interdire le halal, et ne pas exagérer de tout permettre jusqu'à permettre le haram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. نعم تفضل. C'est la question à Soliman. Je vais la lire, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Jazakumullah. Khairan. Pour ce cours. Je vais être hospitalisé pendant une journée. Je vais subir une anesthésie. Je voudrais savoir si je peux rassembler les prières après l'opération. Car vu que j'ai déjà subi ça, et je sais que la fatigue, elle est énorme. Jazakumullah. Khairan. Salam alaikum. Barakallahu fikum shir, qu'Allah vous rétribue de la meilleure des récompenses. Amin. Alaikum salam, rahmatullah wa barakatuh. Avant de répondre à cette question, je voudrais rappeler que si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu du beau frère, ce n'est pas parce que c'est un ennemi ou là qu'on doit le détester ou là ne pas lui parler ou là. Mais c'est comme disent les savants que le beau frère rentre facilement à la maison car il est chez lui. Il va rentrer chez la maison de ses parents. C'est en ce sens que il peut faire le haram sans que personne ne le lui interdise. Si on voyait, comme dit Cheikh Ibn Othaymeen Rahmo, si on voyait un voisin rentrer dans la maison de quelqu'un, on peut lui interdire. On lui dit, où vas-tu? C'est la maison de X. Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu n'es pas du quartier comme ça. Mais est-ce que quelqu'un peut dire au beau-frère pourquoi tu rentres chez toi? C'est dans ce sens que, s'il est vicieux, etc., il peut faire le haram. Non. Sinon, Inch'Allah Ta'ala, comme je l'ai expliqué. Naam, pour le frère, comment il s'appelle, pour le frère Suleyman, Inch'Allah Ta'ala, tu joins entre les salates, tu rassembles entre les salates, et s'il y a quelqu'un qui peut rassembler entre les salates, c'est toi, Inch'Allah Ta'ala, dans ta situation. Naam, tfaddal le prochain, Inch'Allah. Ibn Abu Bakar, je vous ai retiré le raid. C'est à votre tour, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Doit-on faire salat istihara pour toute entreprise? Exemple, une personne fait salat istihara pour ouvrir une société. Il l'ouvre, puis dans cette société, il a des choix à faire. Acheter du matériel, doit-il faire salat istihara pour toute entreprise liée à sa société? Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Naam. À chaque fois que, c'est comme c'est dans le hadith, à chaque fois qu'il hésite entre deux choses, non. Quand il n'hésite pas, ce n'est pas la peine qu'il fasse l'istikhara. Mais quand il hésite entre deux choses, ou là une chose, il ne sait pas s'il l'a fait ou il ne l'a fait pas, même si c'est une chose minime, non, il fait l'istikhara comme ça, quand il l'a fait, Inch'Allah Ta'ala, il a le cœur apaisé, il a le cœur serein. Non, c'est bien, avant de faire un choix, s'il hésite, de faire l'istikhara, la salat istikhara, même si c'est à chaque fois bi'idnillahi ta'ala. Tafadhal suivant. Donc j'ai la question de Oumar Ubaidallah, je vais la poser inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur demande: dans mon entourage, une sœur me fait des problèmes avec les autres sœurs. Elle surveille tous mes faits et gestes, mes invitations, ce que je donne aux sœurs, ce que je dis et ne dis pas. Puis elle m'envoie des messages par l'intermédiaire des sœurs sans me parler directement, ce qui crée une grande fitna. Elle me reproche de ne pas avoir un comportement de sœur salafia et m'a même dit qu'il ne suffit pas de porter un djilbab. Cette sœur m'a fait beaucoup de mal et je crains pour ma foi dans le sens où pendant mes prières, je pense à elle. Je ne suis pas la seule à avoir été touchée par le mal de cette sœur. Elle agit comme ça avec d'autres. Ai-je le droit de m'éloigner de cette sœur et refuser ses invitations? Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Je l'ai dit une fois, je l'ai dit plusieurs fois, l'islam ne nous oblige pas à ce que on soit l'ami de tout le monde. Non. Mais il nous oblige seulement à ne pas couper les liens. C'est-à-dire la moindre des choses, comme dit Cheikh Ibn Othaymeen Rahmo. Il a dit que ça ne va pas bien avec une personne et que je veux pas lui parler, etc. Il a dit, il y a quoi? Il y a le hadith de ne pas déposer 3 jours. Il a dit, au moins tous les 3 jours, quand je rencontre, je lui dis salam alaikum. Bon, si tu dis salam alaikum, tu as déjà 3 jours devant toi où il est permis de ne pas parler. Donc je dis, c'est à elle de décider. Si elle voit que vraiment cette personne lui fait mal, non, elle n'est pas obligée de faire d'elle une amie. Mais à chaque fois qu'elle la rencontre, elle la salue et si elle lui envoie une invitation, elle voit. Par exemple, si en allant chez elle, elle sait que, par exemple, elle va être une cause pour dissiper ce malentendu. Non? Donc, elle y va. Si elle voit qu'en allant là-bas, c'est la fitna qui grandit et elle va yani mal lui parler, elle va ceci, elle va cela. Non? Dans ce cas, elle n'est pas obligée d'y aller. Elle n'est pas obligée d'y aller. Car, d'ailleurs, je donne une nasiha à cette sœur. Il n'y a pas comme fixer un rendez-vous avec elle, ou bien l'inviter, ou bien aller chez elle, ou bien et se parler en tête à tête. Et se parler en tête à tête et lui dire, voilà, okhti, l'islam yani aime la franchise. Je voulais te dire une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais bien que yani, tu es une bonne amie, que je t'aime assez bien, etc. Mais voilà, yani, que tu le veux ou pas, peut-être sans le vouloir, mais tu me fais beaucoup de mal. Et je sais, peut-être que tu le fais pas exprès, mais je suis vraiment peiné par ce que j'entends, ce que tu me dis, ce que ceci, ce que cela. Et elle essaie de se réconcilier avec elle, c'est la meilleure des choses, bi'idna azzawajal. Mais si l'autre ne veut pas ou veut toujours être un ennemi et déclare la guerre, elle n'est pas obligée d'aller chez elle, ni d'accepter ses invitations. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfadlal suivi. Donc c'est la question de Zoubir. Après on passera aux questions d'InSpeak, Inch'Allah. Salam alaikum. Une sœur demande. Je connais une sœur qui est mariée. Elle et son mari prétendent avoir un don qui leur a été donné par Allah Azzawajal, que j'ai vu de mes propres yeux. Son mari dit qu'il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondre à son salam lorsqu'il fait le tashahoud pendant la prière. Ils disent tous les deux utiliser leurs dons pour faire da'wa aux gens et les motiver à pratiquer. Ma question est, dois-je y croire car j'ai peur de tomber dans le soufisme sans m'en rendre compte. Wa alaykoum assalam wa rahmatoullah wa barakatuh. Alhamdulillah. Celui qui croit en une chose pareille, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas encore compris l'islam. Naam. Et ce couple-là, il faut les aider. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans l'égarement. Ce couple-là, le shaitan les a eus. Le shaitan les a eus. Car le shaitan, je connais plusieurs personnes, naam, qui disent, des gens avec la barbe, etc., qui font la prière avec nous tout le temps, qui disent que on entend des anges qui nous parlent. Un jour, on voit comme un nuage comme ça. Ensuite, on entend une voix d'en haut, là, qui nous parle. Ce sont les anges. Et moi, je dis à cette personne, il faut faire l'ouria. Le shaitan, là, t'as possédé, t'as habité. Et maintenant, il te joue ces jeux-là. Donc, ce couple-là a été possédé par le shaitan, a été possédé par les djinns. Peut-être ce sont des djinns musulmans qui le font comme ça. Il y a des djinns musulmans qui sont pervers. Donc, au lieu de croire en cela, il faut au contraire faire des choses pour les aider à sortir de ce gouffre de l'innovation dans lequel ils sont tombés, car le shaitan, il faut dire que il les a eu vraiment, et ce sont des gens, bien sûr, sans les connaître, je sais que ils n'ont pas de science, ce sont pas des talbaim, ce sont des gens qui sont loin, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'innovation et de l'égarement du shaitan. Fadlal suivant. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, shir. Ma question. Pouvez-vous me donner des arguments pour que ma femme puisse expliquer à sa sœur, qui est mécréante, le fait qu'elle refuse d'aller avec elle au restaurant? Je précise que j'habite en France et que les restaurants sont mixtes et vendent de l'alcool. Je précise également que sa sœur est très ouverte et que ma femme ne veut pas la brusquer dans sa réponse. Elle a déjà essayé de lui expliquer son refus. Sa sœur lui dit qu'elle comprend, mais elle voudrait que ma femme lui fasse plaisir en acceptant. Ma femme ne sait plus quoi lui dire. Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ce que lui a dit sa femme à sa sœur, c'est suffisant. Il suffit qu'elle lui dise, si yani, c'était pas l'islam qui m'interdisait cela, si c'était pas que Allah subhanahu wa ta'ala n'aimait pas cette chose, je l'aurais faite pour toi, car tu sais bien, ma soeur, que je t'aime et que je t'aime beaucoup. La preuve, demande-moi tout ce que tu veux, qui est permis en islam à cette condition, et tu vas voir si je te le fais pas, bidna ta'ala. Mais si vraiment tu veux, Yannick, que je te fasse plaisir en allant avec toi dans cette chose qui est pour moi illicite, alors moi aussi je voudrais que tu me fasses plaisir et que tu, Yannick, tu me, comment on dit, Yannick, tu me, je sais pas, je trouve pas le terme, Yannick, tu me laisses, si je puis dire, tranquille, hein, mais tu m'invites pas à cette sorte de choses. Je sais, ma soeur, que tu m'aimes beaucoup et que si tu m'invites, c'est un signe, hein, que tu me veux du bien et que tu me veux m'inviter, c'est ça. Mais il faudrait que tu me comprennes. Chez nous en islam, quand quelque chose est impossible ou quelque chose est haram, je ne peux pas la faire, même si c'est mon père qui me la demande ou bien ma mère. Non. Mais si maintenant c'est autre chose qui est licite en islam, demande-la moi. Non, je suis prête à te donner mes yeux. Je suis prête à te monter sur ma tête et marcher avec toi, bi'idna ta'ala, et te porter où tu veux. Allah Azza wa Jalla alam, tafadhal. Assalamu alaikum, Shir. Ahiyakum Allah. Ma question porte sur le prophète Moussa, alayhi salam. Dans plusieurs tafsirs, dont celui d'Ibn Kathir, rahimahullah, il est dit que Moussa, alayhi salam, avait un problème de locution, qu'il bégayait. Je voulais savoir si cela est authentique ou pas, ou fait partie des récits israélites. N'est-ce pas un axe vis-à-vis d'un prophète? Barakallahu fikum wa hafadikum Allah. Est-ce que je peux m'entretenir? Non, c'est pas possible. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. Naam. Ce que je sais, Allah subhanahu wa ta'ala alam, naam, c'est que cette chose est connue de Moussa alayhi salatu salam. Ce qui n'est pas vrai, Allah ta'ala alam, c'est l'histoire qu'on raconte comme quoi que Pharaon l'a testé avec une date et une braise, et qu'il allait manger la date, et qu'à la dernière minute, il a mangé la braise. Je n'ai pas trouvé ça dans un hadith authentique, quoique même cette histoire se trouve dans beaucoup de livres. Mais c'est connu que Moussa alayhi salam a demandé dans plusieurs versets à son frère que ce soit lui qui parle à sa place, hein, parce qu'il avait des difficultés de dans la langue. Et même Pharaon a voulu se moquer de Moussa alayhi salam, que Allah ta'ala nous en préserve, quand il a dit que ana khayrun min hada, c'est pas le verset où il dit c'est-à-dire il critique Moussa comme quoi il ne peut pas montrer quand il parle. Il a dit wala yakadu yubin. Abdullah 15, hayakallah. Naam. Donc ce que je sais, c'est que cette chose existe. Naam. Et les maladies, naam, les maladies atteignent les prophètes. Les maladies atteignent les prophètes. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Hayakallah, Cheikh Abdullah. Fadlan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais sort. الله يجزيكم الله خير. والله ما كنت أعلم. الأخ الشيخ محمد معنا. الشيخ محمد معنا. شيخنا موجود. بارك الله فيك. حياكم الله. إن شاء الله جبوك لي فخار. جزاهم الله خير. يعني كي شوا un peu attentif. Je vais vous faire entendre la parole de Cheikh Abdelmalek Ramadani, que je viens d'enregistrer, ça fait pas plus de 2 heures. Inch'Allah, le frère, comment il s'appelle, Ibn al-Qayyim, si tu peux traduire, sinon on essaiera de traduire ce que. Yani, ba'da idan al-Sheikh Tayyib. Moumkin al-Sheikh? Hal hada moumkin al-Sheikh Mohamed, barakallahu fik? Cheikh Mohamed? يعني داخل دقيقتين فقط يا شيخ. أمر مسير جدا إن شاء الله. لا دقيقتين فقط إن شاء الله. وصية من الشيخ عبد المالك لكم. يعني أن كونسي دو الشيخ عبد المالك. À tous les frères qui sont dans le salon, à tous les frères et sœurs qui prennent le de الشيخ محمد الشلبي. Voilà, c'est tout. ممكن حال الله يحفظك يا شيخ اسمعوا جزاكم الله خير. شيخنا الفاضل في شيخ بكر العنكبوتية، وكان خطيب وإمام في الكويت. نريد من حضرتكم الشيخ أن يعني كنتم تعرفونه، يعني أن تنصحونا، بارك الله فيكم، فيما يخص هذا الشيخ، وجزاكم الله خير الشيخ. جزاكم الله خير. Le son était bien, Akhi Ibn al-Qayyim. Le son était bien. Akhi Ibn al-Qayyim, le son. Allah yahfadhak, Akhi. طيب. جزاكم الله خير. Oui, ça va, c'était. Alhamdulillah, خلاص. هذا الشيخ عبد المالك الرمضاني حفظه الله ورعاه. Que je lui ai posé la question moi-même sur Cheikh Mohamed Chalabi. Est-ce qu'il le connaît? Est-ce qu'il nous conseille de prendre le ilm chez lui, de lui, etc. Et qu'est-ce qu'il connaît de Cheikh Mohamed Chalabi? Barakallahu fikum. Cheikh, il a dit que Cheikh Mohamed Chalabi, il le connaît depuis longtemps. Il a raconté le Cheikh à plusieurs rencontres, à plusieurs fois. Et le cheikh, il est sur une aqidah salafia, et bonne manière et bonne akhlaq. Et là même, le cheikh Abdel Malik a eu la chance et l'occasion de voir les places, les villages au cheikh Mohamed Chalabi, ou les lieux où il était imam ou khatib dans cette mosquée. Il a vécu du bien. Il a vu que les gens l'ont accepté. Il a fait une bonne tarbiya, une bonne éducation à ces gens, même les grands. Même les grands. Même les grands et les vieux, يعني, le Cheikh حفظه الله ورعاه, il a pu, فضل الله عز وجل ومنه عليه, d'après ce que le Cheikh Abd Malik a dit, il a eu un صدى كبير, un changement, بفضل الله عز وجل ثم الشيخ, de sa manière et de ses akhlaq, et de sa façon et de sa aqida. Et il nous conseille de prendre l'ilm de Cheikh Mohamed Chalabi. Il a dit prenez l'ilm de Cheikh Mohamed Chalabi. Vous allez vous bénéficier et prenez l'ilm de Cheikh Mohamed Chalabi. Qu'Allah Azza wa Jal le récompense, c'est un genre de djihad qu'il le fait. Et qu'Allah vous récompense et vous récompense toute personne qui est liée à cette da'wa. Et surtout Cheikh Mohamed Chalabi. Alors ça c'est une chose que Barakallahu fikum, le Cheikh ne m'a pas demandé. Pour vous dire, ce n'est pas le Cheikh qui m'a demandé. Et Adinullah, et Allah est mon témoin, le Cheikh ne m'a rien dit. C'est moi qui j'ai fait ça par moi-même. Parce qu'il y a des fois des gens, qu'Allah Azza wa Jalla les guide, hein, nous on connaît le Cheikh, nous il y a des frères qui ont étudié chez le Cheikh en Algérie, qui sont des imams dans des mosquées. Je vous le dis ça, moi, je connais des frères qui ont étudié chez Cheikh Mohamed Chalabi. Imams, non, ils sont des imams dans des mosquées. Nous, on connaît Cheikh, au Blad, Alhamdulillah, Cheikh Ali. Il y a des frères qu'Allah Azza wa Jalla les guide des fois, il exagère, et des fois, Alhamdulillah, moi j'ai vu que Cheikh, Fadallah Azza wa Jalla, il a ce nombre, il a des frères de France, etc. Je voulais juste ajouter une chose qui peut aider ceux qui veulent demander après le Cheikh, et en même temps aider cette dawa. On le fait pour Allah Azza wa Jalla. Le Cheikh, je sais qu'il n'a pas besoin de ce qu'il y a de Cheikh. Le Cheikh n'a pas besoin de ce qu'il y a de Abdallah Kaz. Le Cheikh, ce qu'il fait, il le fait pour Allah Azza wa Jalla. Mais nous, deux fois, on le fait pour ceux qui veulent vraiment le haq, et pour ceux qui veulent vraiment savoir plus sur le Cheikh, et ceux qui ont peut-être des doutes, ou bien ceux qui parlent sans savoir sur le Cheikh, cela sera, inshallah, bi-idhnillah ta'ala, une réponse pour tout le monde. Pour tout le monde, inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala, wa liyut tawfiq, wa zakum Allah khair. Et la moindre des choses qu'on peut faire pour le Cheikh, c'est de lui faire le dua bidahr al-ghayb, ikhwani. Le dua ou bidahr al-ghayb. Zakum Allah khair. Zakum Allah khair, wa Cheikh, ana a'tadir an al-itala. Wa asil, hafizakum Allah wa ra'akum. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Donc, Abdullah 15, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. نعم وكل الله سبحانه وتعالى فاس ton travail dans les choses que tu rencontreras demain dans ta balance نعم et on continue inshallah ta'ala avec les questions تفضل inshallah ta'ala le prochain تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحياكم الله je connais une sœur qui est mariée son tuteur n'avait pas accepté son mariage car la mère de la sœur n'était pas d'accord. La raison du refus est que le frère est d'une autre couleur qu'elle de peau. C'est un frère désigné comme son tuteur et un frère s'est désigné comme son tuteur et les a mariés. Le frère a dit qu'il avait demandé à un élève de Shir Ibn Ubez, rahimallah, leur mariage est-il licite sachant que la sœur est enceinte. S'il ne l'est pas, que conseillez-vous à ce frère et à cette sœur? Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. La première des choses que je conseille à ce couple et à ceux qui font la même faute que nous, c'est quoi? Vous savez où est la faute ici? La faute ici, c'est que ce couple a attendu que la femme soit enceinte. Maintenant, la question est venue et ils ont des doutes et ils ont des ressources et ils veulent demander. En principe, une chose pareille, on ne doit pas faire un pas avant d'être sûr que ce qu'on va faire est valide. Mais nous, pour penser bien des gens, on va dire que, puisqu'ils ont entendu la fatwa, ils ont entendu que un élève de Ibn Ubez a dit cela et que sûrement que c'est quelqu'un qui a du ilm, etc. S'ils ont marché sur cette chose, même si c'est faux, ils sont excusés, à condition qu'ils corrigent si c'est faux. Et là, je passe au deuxièmement, qui est quand le père refuse de marier, par exemple, sa fille alors qu'elle remplit le prétendant remplit les conditions, et qu'il ne veut ne veut pas la marier avec tous ceux qui remplissent les conditions, dans ce cas, la tutelle s'enlève de lui et va au plus proche, c'est-à-dire d'abord au grand-père, ensuite à son fils si elle l'a, ensuite le petit-fils, ensuite à son frère, ensuite le frère consanguin, d'abord le frère consanguin, ensuite le frère paternel, ensuite le fils du frère paternel, ensuite à l'oncle des deux côtés, ensuite l'oncle paternel, ensuite le fils de l'oncle paternel. Ensuite, s'il n'y a rien, ça passe à un étranger. Mais on ne va pas directement passer comme ça à un étranger. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. De toute façon, s'il y a un des tuteurs que je viens de citer, sauf bien sûr si c'est le tribunal qui l'a marié, le tribunal musulman. Maintenant, si en écoutant cela, il trouve que ils ont sauté sur des tuteurs. Il y a des tuteurs, ils ont sauté sur eux. Ils sont allés directement vers un étranger. Dans ce cas, la moindre des choses, c'est de refaire l'acte. C'est de refaire l'acte, naam, en présence du tuteur le plus proche. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Atfadlal le suivant. Salam alaikum, Shir, et à tous les musulmans. Voici ma question. Mon mari a une sœur qui pratique la sorcellerie et la voyance. Elle ne craint pas Allah. J'ai dit à mon époux de s'éloigner d'elle et de mettre des distances, mais il ne veut pas. Il me dit qu'elle ne fait pas ça pour faire du mal, mais pour son propre intérêt. Il continue à la voir et à lui parler comme si de rien n'était. Il va chez elle, il s'appelle et il ne lui est fait jamais de rappel concernant l'association qu'elle commet. Merci de bien vouloir lui expliquer qu'il faut s'éloigner d'elle. Barakallahu fikum, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que je comprends que cet homme, est en train de m'écouter? J'attends la réponse. Alhamdulillah. Donc je dis à ce frère, salam alaykoum. Sache, cher frère, barakallahu fik, que en islam, naam, il y a une chose qui s'appelle l'amour en Allah et la haine en Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans le Coran que même le père, naam, le fils, le frère, toute la famille, s'ils sont dans un grave péché, qui est la mécréance, ou ce qui s'approche de cela, naam, qu'on ne doit pas être leurs alliés et ne pas les aimer. Naam, jusqu'à ce qu'on doit même se désengager d'eux, jusqu'à ce qu'ils reviennent vers la vérité. Naam. Faire la voyance et la et prédire l'avenir, c'est de la pure mécréance. Car le messager d'Allah a dit, quiconque va chez un mécréant, va chez un kahan, un voyant, ou bien celui qui prédit l'avenir, il a dit, s'il ne le croit pas, il va juste pour rire ou le présenter, 40 jours sa prière n'est pas acceptée. 40 jours. S'il le croit maintenant, il a dit, il est devenu mécréant. Il a mécru en ce qui est descendu sur le prophète. Faqad kafara bima nuzila ala Muhammad. Naam. Wa alaykoum salam, barakallahu fik, jazakallahu khair. Et qu'est-ce qui est descendu sur Mohammed al-Islam? Ce qui est descendu sur Mohammed al-Islam, c'est le Coran. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Il y a dans le Coran le verset qui dit "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun." Et dans le Coran, il y a le verset qui dit "Personne ne connaît ce qu'il y a dans les cieux ou dans la terre sauf Allah subhanahu wa ta'ala." "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayb." Dit personne de ceux qui sont dans les cieux ou bien dans la terre ne peuvent connaître l'avenir. Naam. Comme ça Allah Ta'ala dit dans le Coran. Et cette personne dit que c'est pas vrai. Moi je prédis l'avenir et je peux savoir ce qui peut se passer. Donc c'est une personne pareille. Ou bien elle a mécru au Coran, donc elle est devenue kafira. Ou bien elle a dit, je reconnais que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'avenir. Mais moi, je joue comme ça avec les shayatins, etc. Ils me donnent certaines paroles, etc. Et dans ce cas, elle a fait un très très grave péché. Si ce n'est pas du coffre de la mécréance, ça devient au moins un très très grave péché. Donc, toi mon frère, si tu veux que demain, quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux ne pas le rencontrer en colère de toi, il faudrait faire une de deux choses. Ou bien, lui faire la da'wah, et lui dire de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est très grave ce qu'elle fait, etc. Naam. Ou bien, dans le cas où elle dit, moi je ne veux pas t'entendre et laisse-moi, c'est mes affaires, etc., de te désavouer d'elle et de dire, Allahumma, je te prends comme témoin que je me désavoue de ma soeur, que ce n'est plus ma soeur jusqu'à ce qu'elle fasse la tawba et revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Les gens, elle va chez les voyants, elle ne pratique pas la voyance, sire. Elle va chez les voyants, donc elle fait un grand péché. Il essaye de lui faire la dawa. Donc c'est maintenant, si c'est pas elle qui fait la voyance, si c'est elle qui va chez les voyants, il lui fait la dawa et lui montre que celui qui va chez le voyant, ou bien il le croit ou bien il ne le croit pas. S'il ne le croit pas, 40 jours, sa prière n'est pas acceptée. S'il le croit, il est devenu mécréant. Voilà, il lui répète ça, Inch'Allah Ta'ala, et il lui dit ces choses jusqu'à, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala, yani, la fasse revenir vers le haq. Naam. Fadla, Inch'Allah, dans le prochain. Donc, c'est la question de Rayana 8. Je l'ai reçue. Assalamu alaikum. Mon mari connaît un frère qui a beaucoup de waswas quand il commence à faire des actes d'adoration. Il a des doutes sur sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple, quand il va à la mosquée pour prier, il se dit c'est pour sa famille ou autre. Ou plus grave encore, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala dans sa tête. Il voudrait pratiquer tranquillement et sincèrement son dîn et avoir le moins de waswas. Quel conseil pouvez-vous lui donner pour qu'il en ait moins? Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Naam. Le messager d'Allah sallam a dit Inna shaytan ma al wahid wa hu min ithnain abad. Le shaytan est avec la personne quand elle est isolée. Mais quand on est deux, naam, le shaytan est loin. Donc cette personne ne doit pas rester seule. Chaque fois qu'elle reste seule, le shaytan va venir et lui faire des waswas. Mais elle doit s'occuper au maximum à quoi? À être avec des gens, à écouter les doros, à écrire, à lire, à faire des invocations. Et de ne pas rester comme ça, yani, à rien faire, et à laisser le shaitan venir faire les waswas. Et aussi à chaque fois qu'elle sent que le shaitan est venu, qu'elle dise par exemple, est-il coursé, ou bien, qu'ul wallahu, qu'ul a'udhu birabbi al-falaq, qu'ul a'udhu birabbi an-nas, qu'elle dise des invocations, où on dit par exemple, amantu billahi wa bi rusulihi, allahu ahad, allahu samad, lam yalid, wa lam yulid, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Elle crache trois fois sur son épaule gauche. Et comme ça, naam, jusqu'à ce que le shaitan aille bi'idna azzawajal, ou bien, du moins, jusqu'à ce qu'elle faiblisse, elle fasse faiblir ce shaitan. Et ce qu'elle ne doit pas faire maintenant, ça c'est ce qu'elle fait. Et ce qu'elle ne doit pas faire, c'est de ne jamais refaire la chose à cause du shaitan. De ne jamais dire, cette salade que je viens de faire, je crois ceci, je crois cela, peut-être je ne l'ai pas bien faite. Elle ne va pas refaire la salade. Je ne sais pas, peut-être si j'ai bien fait les ablutions, je n'ai pas fait, je n'ai pas dit bismillah au début. Elle refait pas les ablutions. Et comme ça, naam. Et quant aux insultes qu'elle a dans la tête, Allah Ta'ala ne va pas la punir pour quelque chose qui lui vient forcer. Allah Ta'ala te punit si c'est toi qui veux dans ta tête insulter Allah. Quand ce sont des insultes qui viennent d'elles-mêmes, sans que ce soit toi qui les veuilles, et en plus de cela, tu dis « Audu Blam Shtaraji » mais tu lis le Coran, etc. Allah Ta'ala ne te punira pas. Fais le djihad, c'est un djihad que tu es en train de faire, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guérisse. Je demande à Allah Ta'ala le Tout-Puissant qu'il te guérisse et éloigne de toi tous les waswas. Fadla le suivant, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Shir. Un frère demande. Une sœur juive s'est convertie à l'islam et souhaite écrire un livre sur l'islam et recherche de l'aide afin de pouvoir réaliser ce livre. Celle-ci souhaite mon aide. Je l'ai invité à revenir aux savants et prendre la science des gens compétents. Ma question, quel conseil pouvez-vous leur donner, sachant qu'elle est convertie et qu'elle n'a pas de science malgré sa noble intention, celui d'écrire un livre sur l'islam? Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Je félicite cette sœur pour, comme on vient de dire ici, pour son humble intention d'écrire quelque chose l'islam pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, je conseille à cette sœur, si elle veut écrire quelque chose, qu'elle n'écrive alors que pour citer dans ce livre son expérience personnelle. Et comment, étant juive, elle a été guidée vers l'islam, quelles sont les causes, et comment Allah ta'ala lui a ouvert ses portes, et qu'est-ce qu'elle ressent maintenant par rapport à ce qu'elle ressentait, et la grande joie qu'elle a maintenant dans le cœur, et comment sa vie a changé, etc. Tout cela pour exhorter les autres à rentrer dans l'islam. Mais je ne lui conseille nullement de parler de sharia, et de dire que les salats, c'est ceci sunnah, ceci c'est sunnah recommandé, ceci c'est haram, ceci c'est... Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de science, et elle risque alors d'égarer, même si elle a une bonne intention. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, mon conseil. Que si elle n'écrit que de choses personnelles, pour raconter son expérience aux autres, hein, pour que Inch'Allah Ta'ala soit un bon modèle. Et je lui conseille de commencer dès maintenant à s'occuper de la science, qui est la première chose obligatoire après avoir fait la tawbah, après avoir fait la shahada. Naam. Tafadhal Inch'Allah Ta'ala, le suivant. Prochaine question, c'est Adnan al-Haq. C'est à votre tour, Inch'Allah. Oui, vous pouvez prendre le micro, Inch'Allah, pour poser votre question. Si vous êtes un frère, si vous êtes une sœur, c'est pas possible. Naam, salam alaykoum, rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers tous les frères, toutes les sœurs. Cher, je suis vraiment très content ce soir que Abdullah il a parlé comme ça, qu'on a entendu cher Abdel Malik parler aussi comme ça. Mashallah Alik. Le bien vient d'Allah Ta'ala, alhamdulillah. Et quand on sème dans une bonne terre des bonnes graines, on récupère en général des bons arbres poussent et des bons fruits poussent aussi. Mashallah, mashallah Alik et Jazakallah khair. Je voulais poser la question ce soir, c'est sur l'Idda. Je me suis retrouvé à discuter avec quelqu'un sur l'Idda et en fait on avait une divergence sur le point de l'Idda. C'est quand la période, c'est-à-dire de fin, c'est-à-dire au début des menstrues de la femme ou plutôt à la fin quand elle se purifie. Ce que je voyais dans le livre donc Kitab At-Talaq donc de le Sahih Bukhari dans le hadith 1872 où justement le point de vue qui était donné c'est que la période de viduité se termine quand les menstrues sont finies et que la femme se purifie. Là l'homme peut soit reprendre sa femme soit la répudier. Et puis l'autre avis qui serait plutôt que... Enfin, là, voilà, mais l'autre avis... Je voudrais avoir un éclaircissement, savoir qu'est-ce qui est le plus authentique sur l'Idda. Je vous repasse le micro, cher. Et Jazak Allah khair. Inch'Allah. Wa alaykoum salam, rahmatullah, barakallahu fik, Jazak Allah khair, toi aussi. Je profite de l'occasion quand quelque chose que je devais dire, yani je me le rappelle, je profite de la dire avant d'oublier. Naam. Et ensuite, je réponds au frère, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Je voulais dire que je vous ai dit la fois passée que ces temps-ci, Inch'Allah Ta'ala, si vous pouvez, Jazakumullahu khairan, naam, ne m'envoyez pas au Gmail. Ne m'écrivez pas au Gmail jusqu'à ce qu'Inch'Allah Ta'ala, je vous dise. Jusqu'à ce qu'Inch'Allah Ta'ala, je vous dise. Ces temps-ci, je suis saturé. Ensuite, je me sens pas, yani, je ne peux pas écrire comme ça facilement. Ni donner les délits, etc. C'est pour ça que, barakallahu fikoum, ceux qui peuvent téléphoner, ceux qui ne peuvent pas, yani, disent à une autre personne de téléphoner à leur place, ils entendent la réponse comme ça directement au téléphone ou bien directement dans le DAS. Nah. Ensuite, maintenant pour le téléphone, c'était jusqu'à 5 heures, mais je le laisse maintenant jusqu'à presque 6 heures, nah. Jusqu'à c'est-à-dire 18 heures au lieu de 17h. Et très bientôt, Inch'Allah Ta'ala, il sera matin et soir. Al-Muhim, en ce qui concerne la période de viduité, Naam, c'est très clair. En ce qui concerne la période de viduité, quand est-ce qu'elle se termine, Naam, il y a différence. Il y a divergence. Pourquoi? D'après le verset, Thalathatu Qurū, est-ce que le qara, est-ce que c'est la purification ou bien est-ce que c'est les menstrues et le sang? C'est d'après cela qu'il y a la divergence. L'avis le plus sûr, c'est que la femme, quand son mari la divorce et qu'elle est purifiée, elle est pure par exemple, et il vient de la divorcer. S'il l'a touchée ou il ne l'a pas touchée. Non. Maintenant, s'il l'a divorcée et elle n'a pas les menstrues, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle attend les prochaines menstrues. Si elle se purifie. Elle attend une deuxième fois les menstrues, elle se purifie. Elle attend une troisième fois les menstrues, elle se purifie. Ça veut dire qu'elle n'a plus de sang. L'avis le plus sûr, c'est que après cette purification et qu'elle n'a plus de sang, elle doit prendre la douche et se laver. C'est-à-dire qu'avant le lavage, elle n'est pas encore mariable. Non, elle ne peut pas se marier avant de prendre cette douche. Comme ça, a dit Cheikh Al-Ibn Rahimahou, se basant sur un hadith authentique, où le messager de Allah a dit, « Fa'in ikhtasalat, fa'idha ikhtasalat, nam, il a dit, si elle se lave. » Et les savants ont dit, « Nam, sauf si elle a retardé son lavage jusqu'au dohoula, on attend. Maintenant, si elle est malade, elle ne peut pas se laver ou là, ça c'est autre chose. Mais si elle peut se laver, on doit attendre non seulement que le sang se termine, mais encore qu'elle se lave. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire aux femmes, pour dire aux sœurs, qui, si elles sont divorcées, la qadar Allah, si jamais elle est divorcée, par exemple, alors qu'elle avait des menstrues, bien sûr, c'est bid'a, c'est haram, mais elle ne doit pas prendre en compte les menstrues qu'elle a. Si son mari la divorce avec les menstrues, elle ne prend pas en compte les menstrues qu'elle a. Ça ne compte pas. Elle attend les prochaines menstrues, c'est-à-dire elle attend la purification et les prochaines menstrues. Les prochaines menstrues seront comptées comme les premières menstrues et pas les menstrues qu'elle a lorsque son mari l'a divorcée. Tfadlal, prends le micro. Tfadlal. Donc en fait, je voulais confirmer que j'avais bien compris ce que vous disiez, c'est-à-dire que si dans le cas où le frère il a dans le cas où le frère il veut reprendre sa femme 5 minutes après que ses règles ont commencé, c'est donc valable. À partir du moment que l'avis le plus juste, c'est quand la période de règles se termine, qu'elle se purifie, et à ce moment-là, il peut soit la reprendre, soit la divorcer, c'est-à-dire la divorcer, voilà. Barakallahu fik, cher. Je vous passe le micro. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Naam, j'ai dit, je ne sais pas si tu as entendu ça, j'ai dit quand la femme, naam, se purifie et se lave, fait le rousse, le grand lavage, là elle est mariable. C'est-à-dire qu'elle est devenue une étrangère pour son mari, pour son premier mari. S'il veut maintenant la reprendre, il l'épouse de nouveau avec son consentement, son tuteur et deux témoins et la dot. Non. Mais tant que son sang ne s'est pas terminé de couler ou qu'elle n'a pas pris sa douche encore, non. Son mari peut la reprendre sans son avis. Même sans son avis, car elle est toujours sa femme. Car elle est toujours sa femme, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Faudal, inshallah, suivant. Alhamdulillah, donc c'est la question sur InSpeak de Ourt 19. Assalamu alaikum, cher. Il est très recommandé aux musulmans de faire le roussol le vendredi. Est-ce qu'il est recommandé à la femme qui a ses menstrues de faire le roussol le vendredi ou c'est pas la peine, entre parenthèses, puisqu'elle n'est pas pure? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. La femme, il est recommandé pour elle de faire le rousl le vendredi seulement si elle va à la mosquée, à condition qu'elle soit pure. Non, à condition qu'elle soit pure. Car si elle a les menstrues, premièrement, ce n'est pas la peine qu'elle aille. Deuxièmement, si elle y va, ce n'est pas la peine qu'elle fasse le rousl. Si elle y va pour rester, par exemple, sur des escaliers ou là, ne pas rentrer dans la salle de prière juste pour entendre la khutbah, dans ce cas, ce n'est pas la peine qu'elle se purifie, qu'elle fasse le grand rousse, car elle ne va pas se purifier. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Il est déjà minuit chez moi, et vous savez que je n'ai pas encore mangé. Je vous laisse, Inch'Allah Ta'ala, pour vous rencontrer samedi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.